assassiner les gosses, assassiner les gosses, assassiner les gosses. Je voudrais tant t'égorger pour te faire arrêter d'hurler juste sous ma fenêtre en été, ou bien te péter la gueule du haut de tes 3 ans, te péter une par une toutes tes dents. Assassiner les gosses, assassiner les gosses, assassiner les gosses. Comme un demeuré, quand tu hurles, tu prends ton pied et tes caprices au supermarché font de toi mon pire ennemi. Je veux te bouffer à midi et jeter ton cadavre aux orties. Assassiner les gosses, assassiner les gosses, assassiner les gosses. Oh. J'aimerais aussi buter ta conne de mère qui t'a mis au monde pour pouvoir rester glandée à la maison, passer ses journées dans les parcs, penser à la décoration de sa maison et à sa prochaine opération. Assassiner les gosses, assassiner les gosses, assassiner les gosses. Oh. Moi, j'aimerais tant foutre au feu tous les gens qui aiment les enfants.